Les Pères de l'Église grecque au IVe siècle, par Eugène Fialon, Saint Grégoire de Nazianze, 328-389. J'habite une petite ville, disait plus tard qu'avec une charmante naïveté, et j'aime à m'y tenir de peur qu'elle ne soit encore plus petite. Plutarque, Vie de Démosthène. Grégoire de Nazianze, comme le philosophe de Chéronée, aime sa modeste et obscure patrie. Il y revient toujours, il quitte pour elle Athènes et Constantinople, et semble ne pas vouloir l'amoindrir en la privant d'un seul de ses enfants. Il y eût trouvé le bonheur, si l'on n'eût point fait violence à ses goûts simples et tranquilles. Il trouva, du moins, dans son humble église, les plus pures jouissances de la carrière oratoire, des inspirations et des applaudissements dignes de son génie. Grégoire récompensa la modeste cité qui sut l'apprécier, il l'associa à sa gloire et immortalisa son nom, désormais inséparable du sien. Une seule des familles de cette ville obscure revit dans l'histoire, c'est celle de Grégoire. C'est d'abord le vieux Grégoire, aussi bon que riche, longtemps à la tête de la cité, puis de l'église. Il était cependant né dans une secte d'illuminés, mais l'olivier sauvage avait si bien pris la grève de l'olivier franc, qu'il s'était vu confier le soin de greffer les autres. Il devait sa conversion à Nona, son épouse. Nona était réellement la femme forte dont tout, dans cette maison, et même dans la cité, subissait l'ascendant. Elle ne reconnaissait d'autre beauté que celle de l'âme, d'autre noblesse que la piété, d'autre richesse, que de prodiguer ses biens à Dieu et aux pauvres. Elle prenait soin des veuves et des orphelins, était la providence de tous ceux qui souffraient, et, grâce à une sage économie, ses libéralités ne l'empêchèrent pas d'augmenter la fortune de son mari. Elle donna à Nazianze une église admirée de toute la province, elle donna le prêtre et l'orateur de cette église. Consacré à Dieu dès sa naissance, le jeune Grégoire grandit dans le commerce des hommes vertueux, puis, après avoir suivi les leçons des grammairiens à Césarée de Cappadoce, il va étudier l'éloquence et la philosophie dans les écoles de Césarée de Palestine, d'Alexandrie et d'Athènes. C'est à Athènes qu'il rencontra Basile. Il venait chercher la science dans cette ville d'or, la mère des belles choses, il y trouva le bonheur. Compagnon d'études et habitant sous le même toit, ils se préservent l'un l'autre des taquineries et des dissipations de ce peuple d'étudiants, font admirer leur piété dans une ville pleine d'idoles et échappent à ces dissolutions. Comme ce fleuve qui traverse la mer sans perdre la douceur de ses eaux. Même ardeur pour la science les anime, ils font la gloire de leur maître, leur nom est connu dans toute la Grèce et leur amitié les fait mettre au-dessus d'Oreste et de Pylade. C'est avec douleur que Grégoire quitta cette terre des muses, où de disciple il était devenu un des rois de l'éloquence. En vain essaie-t-on de le retenir par les prières, les larmes, des promesses de gloire. J'étais attiré, dit-il, par ma patrie, où je voulais philosopher à la recherche des belles choses, par mon père, par ma mère, accablé de vieillesse, je ne tardais pas à m'échapper secrètement d'Athènes. Ainsi l'amour de la patrie l'emportait sur la gloire de l'éloquence, et, pour revoir son humble cité, le jeune rhéteur abandonnait sa chair. Les applaudissements de disciples enthousiastes et cette Athènes où, comme son royal condisciple, Julien, il eût voulu vivre et mourir. De retour à Nazianze, Grégoire, comme Basile à Césarée, avait enseigné la rhétorique. Seule la gloire des lettres m'était chère, dit-il. Je l'avais demandé à l'Orient, à l'Occident, à Athènes, l'honneur de la Grèce, je l'avais acquise par de longs travaux. Mais cet esprit sérieux se lassa vite de toujours exalter les synégyres et les callimaques, les trophées de Marathon et de Salamine. Confère Saint-Grégoire de Nazianze, édition Clémenceau et Caillot, tome 2. Il sentit que cette éloquence, qui faisait le bonheur de la jeunesse et le sien, était sans objet, sans réalité, et que sa parole demandait un meilleur théâtre. L'Église s'emparait alors des meilleures intelligences. Elle prit dans le même temps Basile, Chrysostome et Synésius. Pendant que son ami fondait son premier monastère près de l'Iris, dans le pont, Grégoire se retire dans une terre que son père avait aux portes de Nazianze et s'y consacre à la solitude. Le premier mouvement de ma philosophie, dit-il, fut de sacrifier à Dieu même mes travaux littéraires, comme d'autres abandonnèrent leurs champs à leurs troupeaux ou jetèrent leur or dans les abîmes de la mer. Saint Grégoire de Nazianze, lettre 199. Mais le sacrifice eût été au-dessus de ses forces et préjudiciable aux intérêts de l'Église. Il se contenta de purifier dans les eaux douces des saintes lettres les eaux amères des lettres profanes et de mettre au service de la divine parole cette éloquence qu'il avait demandée à l'Orient et à l'Occident. La vie publique de Grégoire est tout entière dans ses discours, ordonné prêtre malgré lui, et, malgré lui encore, ordonné par saint Basile évêque de Sasim, triste et pauvre bourgade, où le brillant élève d'Athènes se voyait exilé, il resta à Nazianze, où il soulageait son père dans l'administration de son église. Il instruisait le peuple, il le défendait contre les vexations des gouverneurs romains, et il exerçait par l'éloquence et la vertu cette espèce de tribunat religieux, qui, dans les premiers siècles, fit en partie la puissance du sacerdoce, ibidem. Un plus grand théâtre l'attendait. En 376, appelé à Constantinople par les orthodoxes opprimés, il se rend dans cette capitale de l'hérésie aussi bien que de l'Empire et y célèbre les cérémonies du culte dans une chapelle privée, qui prit le nom d'Anastasie, c'est-à-dire de résurrection. Son éloquence y attire la foule, la petite église s'accroît et excite la fureur des Ariens. Mais tout à coup Valence meurt et Théodose se déclare pour l'orthodoxie. Saint Grégoire est conduit en triomphe au trône archiépiscopal de Sainte-Sophie, où le nouvel empereur le place lui-même. En 381, Théodose convoque le concile de Constantinople pour mettre un terme aux dissensions religieuses. Le concile se hâte de reconnaître et de consacrer Grégoire. Mais bientôt des factions se forment dans cette assemblée contre le vertueux archevêque. On lui reprochait de ne pas poursuivre les anciens ennemis de la religion maintenant triomphante. On traitait sa charité de tiédeur pour la foi. Monsieur Villemain, tableau de l'éloquence chrétienne au IVe siècle. Fatigué de ces débats, Grégoire offrit avec indignation de quitter le gouvernement d'une église qu'il avait presque créée. Le concile et l'empereur eurent la lâcheté de consentir à ce généreux sacrifice. Après cette triste expérience de l'ingratitude des hommes, l'éloquent archevêque alla célébrer à Césarée la mémoire de son ami, qui venait de mourir, puis, le cœur plein de regrets, il se retira dans cette solitude d'Asiance, qu'il n'eût jamais dû quitter, et y finit ses jours, occupé de la culture d'un jardin et revenant à cette passion des vers qui avait enchanté sa jeunesse. Monsieur Villemain. Grégoire de Nazianze n'égala pas le génie de Saint-Basile, mais il a dans l'imagination quelque chose de plus brillant et de plus gracieux. L'abondance, l'élégance, la facilité sont les caractères distinctifs de son style. Il est poète jusque dans ses homélies, et y mêle souvent aux pittoresques images de l'écriture sainte des traits de la fable et de l'histoire. La pureté et la sublimité de sa doctrine l'ont fait surnommer le théologien de l'Orient. Markham Dan Archive.org 2024 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial partage à l'identique.